Bonjour, je suis aujourd'hui avec Elena, qui est une dame qui a passé un certain temps en Bulgarie, au Sept Lacs de Rila. Combien de temps ? 2 semaines. 2 semaines. Alors, est-ce que tu veux bien nous dire ce que tu as pu découvrir ? Toi-même, tu connais aussi le Bon Fin, à Fréjus. Quelles sont les comparaisons que tu pourrais faire ? Les choses qui te paraissent identiques, les choses qui te paraissent différentes, les commentaires que tu puisses avoir en comparaison directe entre les deux endroits. Alors, j'ai rencontré des gens qui sont très admiratifs de leur maître et qui respectent vraiment la moindre parole de leur maître. Ça m'a vraiment agréablement surprise. Tu parles du maître Peter Denov. Oui, je parle de la Bulgarie, donc qui respecte le maître Peter Denov. C'est vraiment le respect de la moindre parole qui est dans les livres. Et je sais que au niveau des traductions de livres, par exemple, je sais que au Bon Fin, il y a certaines choses qui sont censurées par rapport à ce que le maître Omram pouvait dire. Il y a des censures, donc il n'y a pas ce même respect. Alors là, déjà, je peux intervenir parce qu'étant du Bon Fin moi-même, je peux intervenir. C'est pas des censures, ce sont des montagnes de censures. C'est quelques phrases qui ont été dites et la plupart des choses de Maître Omram qui pouvaient être choquantes, troublantes, quoi que ce soit, ont été très largement censurées. Et c'est pas quelques censures, c'est énormément de censures dans le travail du Maître Omram. Ça, c'est clair. Donc, parce qu'ici, en Bulgarie, très souvent, j'ai entendu le maître a dit ou le professeur a dit, selon... Et c'était très flagrant, très très présent. Et j'ai parlé du problème de traduction parce qu'il y a quand même un manque de traduction au niveau des livres du maître Peter Denov, alors que du maître Omram, il y a énormément de livres traduits dans différentes langues. Et donc l'enseignement du maître Peter Denov n'est pas aussi accessible. Et là, ils m'ont dit que, enfin, en tout cas, certaines personnes avec lesquelles j'ai parlé m'ont dit qu'ils sont conscients de ce problème. Et leur problème principal est de pouvoir répéter la parole exacte. Parce que traduire, c'était quand même un langage très spécifique avec une pensée assez sophistiquée. Et donc, pour retransmettre sans déformer, et en plus dans un anglais correct, bon là, on parlait anglais. Donc, en plus, dans un anglais correct, donc idem pour un français, ça leur demande une équipe de travail très, très complexe au niveau des deux langues. Les Bulgares doivent être capables de comprendre exactement ce que voulait dire le maître Peter Denov et l'anglais qui va... Ils doivent avoir aussi une équipe d'anglais à la hauteur. Ce qui n'existe pas en français, puisque le maître Omram parlait directement en français. Donc après, il y a les traductions dans les autres langues, mais lui parlait directement en français. Oui, mais ça relevait quand même aussi toujours leur souci d'impeccabilité au niveau du respect du moindre mot, point et virgule. C'était très fort, ça, chez eux, quand même. Bah, c'est vrai que chez les Français, par exemple, le maître Omram avait un français qui n'était pas très riche, hein. Il faisait énormément de fautes de français. Or, dans ces textes, il n'y a aucune faute de français. Donc, ça veut dire qu'il y a des autorités qui vont faire passer la littérature française au-dessus de la signification des paroles du maître Omram. Parce que si le maître Omram utilisait un mot un peu violent, un peu tonique ou un peu choquant, les gens du Bon Fin ne vont pas se gêner pour supprimer ceci parce que ce n'est pas recevable d'une façon littéraire. Je peux peut-être commencer par un événement qui est intéressant. Ouais. Et après, on verra bien. Ouais. Allons-y. L'été dernier, un groupe de Bulgares a été invité au Bon Fin. Et je pense que c'était 50 Bulgares. Et ils ont été invités pendant un mois, 3 semaines ou un mois. Et donc là, ils ont cohabité. Et ce que j'ai entendu de ça, j'ai pu interroger certaines personnes... la première chose qui les a énormément choqués, donc c'est le fait qu'au Bon Fin, on mange du poisson. Et 2 fois par semaine. Je pensais que c'était 1 fois, mais c'est 2 fois par semaine. Donc ça les a horriblement choqués. Par contre, ils ont dit, les Bonfinois ont fait un effort donc pour ne pas servir de poisson, mais eux-mêmes n'ont pas mangé de poisson pendant toute cette période. Donc ça, les Bulgares ont apprécié, évidemment. Oui, mais... ce qui, politiquement parlant, est, d'après moi, totalement faux. C'est-à-dire que les bons Finnois se sont permis, parce que Papa Omram aime bien le poisson, rajouter du poisson dans la bouffe, régulièrement depuis des années et des années, mais devant les frères de Bulgarie, ils n'osent pas sortir le poisson. Donc ce n'est pas du tout de la correction, c'est de la culpabilité. Ils n'osent pas sortir le poisson parce qu'ils se retrouvent fautifs de manger du poisson alors qu'ils se sentent officiellement les porteurs de l'enseignement du maître Peter de Nov. Officiellement porteur du maître Peter de Nov, ce qui a permis à maître Omram à aller au Canada, ce qui a permis à maître Omram à aller en Suisse, ce qui a permis à maître Omram à aller en Espagne, ce qui a permis à maître Omram à aller un petit peu partout. Il faut savoir que la FBUI, c'est-à-dire la Fraternité Blanche Universelle Immobilière, est le groupe en sectaire le plus riche de France ou d'Europe, j'ai oublié, en tout cas extrêmement riche. Donc c'est particulier en même temps de se faire une fortune colossale pour porter un enseignement qu'on change bon gré mal gré parce qu'on aime bien le poisson. Donc évidemment, après, quand les Bulgares sont là, ils enlèvent le poisson, mais ils enlèvent le poisson surtout parce qu'ils sortent foireux. Hein. J'ai une seule personne là qui a essayé de prendre un peu la défense des bons Finnois en disant, mais là j'ai quand même un sérieux doute parce que je n'ai jamais vu ça dans les livres du maître Peter de Nov, que tout au début, le maître Peter de Nov autoriser aussi le poisson. Mais je n'ai jamais rien vu par rapport à ça dans les livres. Pour moi, c'est purement végétarien et c'est tout, ça ne se discute même pas. Et alors à ceci, je m'y oppose totalement, par connaissance. Premièrement, parce que le maître Peter de Nov n'incitait que au végétarisme. Mais plus que cela, son enseignement allait de plus en plus vers le fructivore, et, c'est-à-dire les graines et les fruits, de façon à n'absorber que des choses à qui on n'enlève pas la vie. Et en été, le régime du bonfin, enfin pardon, du bonfin de Prosveta, de Bulgarie, c'était des graines germées et des fruits. Et on ne venait que vers les soupes et autres choses plus lourdes, uniquement quand le temps l'obligeait parce qu'il faisait froid. Donc c'est deux versions radicalement différentes. Et la personne qui t'a dit ça, c'était un bon Finnois ou c'était... Non. Bulgare qui, pour une fois, essayait... En général, les Bulgares n'étaient quand même, ne parlaient pas tellement positivement de tous les disciples du maître Omram. Et là, justement, par rapport à cet aspect-là, il y en a un qui a essayé de protéger. Au moins, il y en a un qui a dit ça. Il a essayé de protéger, c'est ça que je voulais dire, oui. Ah, il y en a... Une ou deux fois, il y a... En admettant qu'il y ait eu un truc comme ça qui soit passé au tout début, c'était il y a 50 ans, il était temps d'évoluer. Hein. C'est comme moi, maintenant, je vais en voiture, je ne vais plus en brouette. Voilà. Et quelles sont les autres choses apportées par les Bulgares par rapport au bonfin, oui, par rapport à la panorythmie, par rapport à la méditation, par rapport aux, oui, habitudes, ben, par rapport aux conférences, par rapport au respect du maître Omram? Vas-y, fais-nous un petit feedback. Déjà, par rapport au bonfin proprement dit, ça les a horriblement choqués que pour accéder au bonfin, il faut une carte de membre. Parce qu'en Bulgarie, ils ont plusieurs maisons de la Fraternité Blanche. Et vraiment, on y va, on entre, je ne vais pas dire comme dans un moulin, mais presque. Personnellement, je suis allée à Sofia, je suis allée à Varna. Personne ne m'a demandé quoi que ce soit. J'aurais pu venir avec un autocar d'amis, peu importe. Tout le monde peut entrer librement, on ne demande pas de nom, on ne demande rien. Tandis qu'au bonfin, on n'accède qu'avec une carte de membre. Ça les a horriblement choqués. Non, c'est même faux. Ce que tu dis est faux. Tu n'entres avec une carte de membre que parce que pendant un an tu as suivi un groupe local. Ah, donc d'abord tu dois suivre un groupe local pendant un an, tu dois te payer des hystériques qui te font des trucs délirants sur le maître Omram ceci, le maître Omram cela, et au bout d'un an tu finis par avoir une carte. Je veux préciser une histoire que j'ai personnellement vécue, où j'arrivais à Lyon et il y avait une grande photo de maître Omram d'un mètre de haut à peu près, et il y avait une sœur qui regardait la photo du maître Omram en admiration totale, complètement mystique. Puis elle s'est tournée vers moi parce que j'arrivais dans son dos. Elle m'a dit « Regardez frère, il m'a souri ». Et je lui ai dit « Non, je vous assure, il n'a pas bougé. Je regardais la photo, il n'a pas bougé ». Et il faut se payer un délire comme ça pendant un an pour avoir le droit d'avoir ensuite accès au bon fin pour avoir une carte. Et même quand on a une carte, on est encore sous contrôle et surveillance pendant un certain temps. Et on peut se faire foutre à la porte le plus rapidement du monde s'il y a quoi que ce soit qui ne va pas. Et je spécifie qu'à un moment, j'avais organisé une rencontre sous l'autorité de Maître Omram et sous l'autorité de Madeleine Chavanon, et où les gens voulaient me rencontrer hors du bon fin pour régler certaines choses. Et le frère l'ami, en ce temps-là, a dit « Toute personne qui se présentera à cette réunion sera chassée du bon fin in viternam. » Carte ou pas carte, vous n'aurez plus jamais le droit de rentrer dans le bon fin. Donc, il y a un contrôle plus que total. Et je précise aussi que lorsque je suis arrivé au bon fin, c'était donc au bon fin de Lyon, pas au bon fin, au groupe de Lyon, y allait un vieux bonhomme, très mal dans sa peau, très stressé, très voûté, qui est venu me trouver et qui m'a dit « Non mais ici, vous savez rien. Ici, on va vous apprendre à manger, on va vous apprendre à respirer. » Alors, je lui ai dit, vous savez, je suis moine Shaolin, hein. Je suis aussi prof de yoga. Donc, m'apprendre à respirer, m'apprendre à manger et tout, peut-être on va éviter quand même, hein, on va passer à la leçon 2 quand même. Ah non, non, mais tout ce que vous avez appris ailleurs, ça n'existe pas. Il n'y a que ce que vous avez appris ici qui a de la valeur. Le reste n'a aucune importance. Plus tard, déçu et ayant trouvé ces gens lamentables, je me suis un peu éloigné et j'ai essayé de ressentir l'endroit. Je me suis assis sur des marches qui étaient un peu plus loin pour méditer, pour ressentir l'endroit. Et là, il y a deux gens du bon fin qui sont arrivés et qui m'ont dit « Tiens, toi, au lieu de glander, rien foutre, viens donc nous aider à mettre les tables. » Voilà l'endroit du bon fin, l'endroit que l'on doit accepter pendant un an avant d'avoir le droit de mettre les pieds au bon fin. Heureusement pour moi, Christelle, qui était la responsable de Metz, m'a fait une fausse carte et après avoir échoué totalement à Lyon et après leur avoir dit « Vous êtes des tarés », et j'aurais dit « Franchement, vous êtes des tarés, vous êtes des mystiques hystériques », j'ai été à Metz et à Metz, j'ai rencontré une femme, Christelle, très évoluée, très souriante, très belle, qui a dit « Bon, j'ai compris ton cas ». Avec toi, ça ne passera absolument pas comme ça. Je te fais une fausse carte et tu peux rentrer immédiatement au bon fin. Donc j'ai pu aller au bon fin. J'ai bien été le seul à aller au bon fin sans passer par un an de clownerie de ces groupes lamentables. J'ai été aussi en contact avec Mathieu Leboc, qui lui-même m'a raconté, donc après ça a été évidemment dénié, que le maître Bonfin était passé au groupe de Aix-en-Provence, je crois me souvenir, et qu'il avait mangé, qu'il avait bu là-bas, et que son assiette et sa fourchette étaient mis sous socle. Alors après, la personne du bon fin qui a rencontré Mathieu a dit que c'était complètement faux, que c'était un mensonge, mais enfin, quand Mathieu y a été, on lui a présenté l'assiette et le couvert sous socle que le maître Omram avait touché. Et c'est pire que des églises, c'est pire que du fanatisme. Donc il y a un homme qui soit très intelligent, très brillant, très inspiré, quand il ne fait pas des petites conneries avec des enfants en jouant à touche-pipi, on peut admirer qu'il ait une sagesse riche, mais il faut voir le cinéma qu'il y a autour, et donc l'état de soumission que les gens doivent accepter pour être là. Personnellement, j'étais au bon fin, moi aussi, non, en Bulgarie. En Bulgarie, il y a eu des groupes qui ont été formés et on a travaillé sur les rayons du soleil. Qu'est-ce que le rayon rouge? Qu'est-ce que le rayon orange? Qu'est-ce que le rayon rouge? Et ainsi de suite. Je n'étais personne, je ne parlais même pas leur langue. Il y avait une fille qui traduisait pour moi. Et nous étions 3 ou 4 par groupe. Et les 3 ou 4 qui étaient avec moi étaient vraiment perdus. Ils ne savaient pas quoi dire sur les rayons. Ils étaient complètement perdus, c'était nouveau. Et comme moi, je connaissais bien, ils m'ont dit « Vas-y, vas-y, parle, parle. » Et moi, je me suis levé et j'ai fait une conférence sur le rayon diamant, qui est le rayon le plus élevé. Et j'ai parlé pendant environ 20 minutes. J'ai fait une conférence de 20 minutes sur le rayon diamant. Et tout le monde était assis, et après avoir fait cette conférence, les gens sont venus me trouver, ils m'ont dit « C'est formidable, on avait l'impression d'entendre le maître Omram, le maître Peter Denov en train de parler. » Voilà, c'est la différence entre le fanatisme du bon fin avec les avocats, les armées d'avocats, de manipulation, de législation, de pouvoir, et un endroit simple comme la Bulgarie. Et il faut bien préciser aussi une chose, Elena pourra le préciser. Au bon fin, personnellement, si j'ai jamais vu plus de 80-100 personnes, je pense, je suis peut-être un petit peu en dessous, mais je crois, 80-100 personnes faire la panorythmie une fois par semaine, quand j'y étais, une fois par semaine. Et quand je parle de la panorythmie, je parle uniquement de la panorythmie. Il n'y a pas les rayons du soleil, il n'y a pas le pentagramme derrière. Au bon fin, la dernière fois où Elena était là, tu m'as dit parler de combien de personnes ? Environ ? En Bulgarie ? Oui. Là, il y a un jour, on était à plus de 1500. 1500 personnes. Alors, c'était l'été, la fête, ouais, le camp. Quoi, hein. Mais en général, même je suis allée aussi à Sofia et à Varna en dehors de ce camp. Donc, parce que là, ils avaient le camp d'été. Ça rassemble beaucoup plus de monde, évidemment. Mais ils sont quand même facilement 50, 100 personnes. Ça dépend un peu des jours. Pendant toute la saison. Hein. Tandis que moi, j'ai vu 100 personnes dans les hautes saisons du bon fin. Dans les hautes saisons du bon fin. Les pics, j'ai vu des panorythmies à 20 ou 30 personnes au bon fin. Alors le problème, c'est comment est-ce que le bon fin, qui est l'endroit parfait, merveilleux, avec le merveilleux maître Omram, arrive à un si petit niveau et qu'en Bulgarie, sans carte, sans législation, avec le gouvernement russe qui a interdit la panorythmie pendant plus de 40-50 ans, cet enseignement, tout ceci existe comme ça existe. Mais il est entendu que le maître Omram est le grand maître Omram et que le maître Omram et que le maître Peter Denov, lui, n'est qu'un petit maître de broutille qui n'a été là que pour initier le grand maître Omram. Ils m'ont parlé de ce problème justement de l'interdiction et ils dansaient en cachette. Ils m'ont dit pendant tout un certain nombre d'années, on a dansé en cachette. Donc maintenant, ils le font ouvertement parce qu'ils ont été reconnus en tant que religion et ils sont très contents de ça parce qu'au moins, ils ont le droit d'exister. Et ils m'ont raconté quelque chose, juste pour continuer, au niveau des interdits. Le rejet du gouvernement était tel que donc je suis allée à l'endroit où ils ont, à Sofia, où ils ont donc leur maison, là, la maison blanche. Ils ont sur le côté une maison aussi pour d'hébergement. Et c'est tout à côté du cimetière où est enterré le maître Peter Denov. Et on m'a expliqué que quand il y a eu beaucoup de développement au niveau de la Bulgarie, ils ont vendu certains territoires, certains terrains pour des ambassades. Et le gouvernement a essayé de vendre la partie où se trouve donc la tombe du maître Peter Denov. Ils ont essayé de vendre ça aux Japonais pour que le Japon puisse y construire son ambassade. Et heureusement, c'est la seule chose apparemment qui a pu sauver la situation, le Japon a dit non, on ne va pas acheter ce terrain, on ne va pas détruire cette tombe, etc. Et pour savoir ceci, et ça, la plupart des bons finnois ne le savent pas, il se trouve que j'ai connu des gens du bon fin qui sont partis au Japon. Et quand ils sont partis au Japon, ils sont partis dans un monastère japonais. Et là, ils ont fait des chants classiques tibétains, japonais. Et après, ils sont mis à faire des chants de la fraternité. Et alors, les gens étaient surpris. Ils ont dit, mais d'où ça vient ? Et il se trouve que le plus grand disciple du maître Peter Denov, il est parti vivre au Japon après. Et c'est bien pour ça, et à cause de cette relation particulière, que les Japonais ont catégoriquement refusé de toucher à la tombe du maître Peter Denov, parce qu'ils le reconnaissent comme une entité inspirée et respectueuse. J'ai rencontré un couple de Japonais, voilà, au camp de Rila. Mmh. Oui. Et tu dis des choses particulières. Je les ai rencontrés trop tard, presque au moment de leur départ. C'est un couple. Ils ont appris eux-mêmes la panorythmie sur le tas en arrivant, donc ils ne connaissaient pas la panorythmie avant d'arriver, mais ils étaient en lien avec des gens de la fraternité. Mais sans plus. Là-bas, ils sont dans un monastère, ils prient énormément et ils enseignent l'espéranto. L'espéranto ? Oui. C'est amusant. Oui. J'ai d'ailleurs, juste comme ça, en anecdote, je les ai vus y discuter avec une vieille dame que j'avais vue plusieurs fois danser la panorythmie. Je me suis dit waouh, elle pouvait à peine bouger, mais elle était toujours là. Elle arrivait toujours à monter à la montagne, être à l'heure pour la panorythmie. Et je me dis mais comment ils font ? Et après, en étant avec eux, j'ai réalisé Et je me suis dit, mais mince, j'aurais pu intervenir plus tôt. Elle parlait espéranto, cette dame. Une bulgare, une très vieille dame du bulgare qui parle espéranto. Donc ça veut dire qu'elle montait comment? Par elle-même? Oui, une fois que, au niveau du camp, ça veut dire quand tu es au camp, tu as pris lift, là, l'ascenseur, comment on appelle ça, le téléphérique, télésiège. Et puis de là. T'es loin encore, hein? Oui, c'est ça. Donc là, il y a encore un bon moment de marche pour arriver au camp. Et à chaque fois, quand tu es au camp, selon le nombre de personnes, ils adaptent pour l'endroit de la panurythmie. Et tu as chaque fois entre trois quarts d'heure, une heure de marche. Mais bon, c'est pas une petite marche, quoi. C'est quand même une grimpette dans beaucoup de grosses pierres, des rochers, etc., quoi. Moi, pour la petite histoire, quand j'étais au Bonfin, je m'asseyais au Bonfin, au rocher, hein, et prête à méditer. Et là, tu avais un brave frère ou une brave sœur. Ils prenaient le soleil, leur chaise pliante, hein, parce qu'on va faire la méditation quand même bien à l'aise, et ils dépliaient la chaise dépliante devant moi. Ils me coupaient le soleil. Et moi, j'allais les voir, je leur disais, vous vous cassez. Elle me disait, mais enfin, on ne parle pas comme ça. Je dis, toi, tu ne te mets pas devant mon soleil. Tu as un peu de respect, je suis là avant toi. Tu te casses, trou du cul. Ah, évidemment, je ne suis pas un bon finnois. Mais encore faut-il savoir si eux sont des bons finnois. Et après, la politique, c'est, mais moi, je suis un ancien. J'ai tous les droits. J'ai tous les droits. Donc, étrangement, l'enseignement du bon fin, c'est l'enseignement de l'ancienneté. Les vieux ont tous les droits. Et les jeunes, qui, d'après l'enseignement du Bonfin, sont ceux qui sont plus proches de l'âme, qui ont une âme plus fraîche, qui sont plus proches de la vérité, de la spontanéité, de l'amour, ceux-là doivent être traités comme des merdes, purement et simplement. Parce que les anciens qui ont la barbe blanche et qui ont le look un petit peu à la Omram, eux doivent se comporter comme ça. Moi, j'ai connu le frère Lamy, qui est un responsable du Bonfin. Il avait la barbe blanche, il avait les cheveux blancs, il avait même le chapeau de Omram. Et il marchait comme Omram avec une canne. Il se prenait pour Omram. Mais quand on en arrive là, moi, ça me rappelle les fans de Johnny Hallyday qui se coupent les cheveux et qui se font appeler Johnny. C'est au même niveau intellectuel. Et je ne pense pas que l'enseignement du maître Omram, ou plutôt de l'enseignement du maître Peter Deneuve, soit venu sur Terre pour avoir une bande de clowns comme ça. Alors évidemment, moi je suis contacté, j'ai été contacté il y a peu de temps par des gens, par exemple. Je tairai leur nom parce que pour le moment ils sont peur, ils se taisent. Et qui m'ont décrit des traumatismes terribles qu'ils ont eu au Bonfin. Jusqu'à un conjoint qui est franchement déséquilibré tellement il a souffert, tellement il a enduré des choses. Et ils ont envie de témoigner. Alors, ils n'ont pas encore témoigné, on n'en est pas là encore, je travaille avec eux, mais ils ont envie de témoigner. Et moi, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de gens qui auraient pu témoigner contre la fraternité de Bulgarie. Mais contre la fraternité du Bonfin, eh bien oui, là, il y a des choses qu'on peut témoigner. Moi, j'ai entendu parler d'un jour où il pleuvait, et on posait toutes les chaussures devant l'entrée du rocher. Et là, il y avait beaucoup de pluie, donc l'espèce de flaque d'eau était remplie d'eau. Et il y avait les chaussures de Maître Omram qui étaient là aussi, qu'il avait posées comme les autres au début. Et une sœur avait pris les chaussures et les avait mises contre son ventre pour qu'il reste bien chaud. Et le Maître Omram a récupéré les chaussures, les a mises, a plongé ses pieds dans la flaque d'eau. Et il a dit, quand on a les pieds mouillés, il faut les avoir mouillés jusqu'au bout. Laissez-moi tranquille. Et il est reparti. On a affaire à une bande de débiles, à une bande de fanatiques qui n'ont même pas l'humilité de se tourner vers leur maître à eux. Le maître du maître Omram, c'est le maître Peter Deneuve. Reconnaître avec gloire et avec force, avec honneur, que le maître Omram avait certaines connaissances, mais que le maître Peter Deneuve en avait d'autres et qu'il avait été le premier. D'ailleurs, le titre de Omram est totalement refusé par les Bulgares. Ils m'en ont parlé de ça aussi. Parce que comme moi j'ai toujours entendu parler du maître Omram, parce que j'en ai entendu parler en France et par toi. Et quand j'en parlais avec les Bulgares, automatiquement je disais le maître Omram. Et j'ai vu que ça les choquait. Et un jour j'ai dit mais attendez, parce qu'eux disent toujours Omram, ils disent Michael Ivanov. Et ils m'ont dit, mais non, c'est pas son vrai nom. Et ils m'ont parlé d'une histoire, il est allé en Inde et après c'est lui-même qui s'est donné ce nom. Et les Bulgares rejettent complètement, n'utilisent jamais ce nom. Oui, et pour savoir toute l'histoire, son vrai nom c'est pas Mikhail Ivanov, c'est Mikhail Ivanov. Sauf que quand il était en Inde, il a entendu parler d'un grand maître qui viendrait ressusciter l'humanité. C'est raté, hein, parce que maintenant Omram il est mort et l'humanité elle est tout aussi merdique qu'avant. Et les initiales étaient O-M-A. Donc ça faisait Omram qu'il a inventé, Mikhaël, ça marchait, et Ivanov qu'il a changé en A Ivanov pour avoir un A. Donc comme ça, il a eu les initiales du grand maître qui devait sauver l'humanité, O-M-A. Si ça, c'est pas de l'orgueil du bouffi dévorant, où on est prêt à tout transformer pour avoir les choses comme on veut les avoir, ça craint quand même beaucoup. Et je persiste à dire que Omram, malgré tout, il a fait beaucoup de choses. Pourquoi je l'appelle Omram ? Parce que moi, il est venu me trouver après sa mort. Et je n'ai pas eu beaucoup de fréquentation avec Mikhaïl Ivanov. J'ai eu beaucoup de fréquentation avec Omram. Omram étant son nom magique d'être après sa mort. Donc je respecte le nom de Omram par rapport à la relation que j'ai eue avec lui. Mais ceci étant dit, il y a énormément de choses qui ont été déformées, qui ont été manipulées de façon absolument claire, totale. J'ai eu un monsieur qui a eu un délire mystique et qui refusait de donner à manger à sa fille parce que sa fille se nourrissait de lumière. Et alors, moi je suis intervenu plusieurs fois, je lui ai donné des pâtes, j'ai jamais vu une gamine manger autant de pâtes, j'ai cru qu'elle allait exploser. Et le papa, au bout de 3 ou 4 fois, qui d'ailleurs venait manger aussi, lui aussi il avait besoin de pâtes, hein, il n'avait pas besoin de lumière. Au bout de 3 ou 4 fois, il m'a dit tu me voles ma fille parce que tu sais qu'elle rayonne la lumière et il n'y a rien d'autre que la lumière qui existe et tu cherches à lui voler sa lumière. Donc, je me suis fâché et je lui ai dit bon, ça ne va pas continuer comme ça, je te prends ta fille. Et j'ai pris un risque énorme, hein, parce que c'est ce qu'on appelle du kidnapping. Il faut être clair, hein. Je suis personne, la fille elle crève de faim, elle n'a rien à manger, donc c'est du kidnapping. Quelques jours plus tard, je rencontre le papa avec 3 de ses copains et il me tombe dessus pour me casser la gueule, pour m'apprendre. Qu'est-ce que tu fais ? Quoi ? Très mauvaise idée, très très mauvaise idée, parce que je suis un expert d'arts martiaux, donc les 4, je les ai pris en petits morceaux, je les ai cassés en petits morceaux, franchement. Je leur ai dit si je vous vois traîner dans le coin. Alors après, il y a des bons fins, des chants du bon fin qui sont venus me trouver. Ils étaient 3, ils m'ont dit, tu comprends, une âme est immortelle, elle fait ce qu'elle veut, elle a choisi son papa, elle avait besoin de souffrir, c'était son karma. Alors j'ai dit, je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est une âme immortelle, elle a son karma. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle est venue habiter juste à côté de chez moi pour que je l'aide. Alors maintenant, vous allez prendre vos affaires, vous allez vous casser avant que je vous casse à coups de pied dans le cul. Et puis finalement, on était en contact avec la maman qu'on a eu du mal à trouver parce qu'elle était en vacances au Canada, je crois, me souvenir, au Québec. On a fini par la retrouver, elle est retrouvée d'urgence, elle a récupéré sa gamine et les choses sont rentrées dans l'ordre. En attendant, le juge des enfants m'a contacté en me disant « Mais qu'est-ce que c'est que ce groupe de pourris qui laisse un gamin non assistance en danger sans intervenir ?» Et là, j'ai menti au juge. J'ai dit « Non, non, monsieur le juge, mais sachez que c'est le bon fin qui m'a demandé de faire ça, de façon à couvrir les événements, comme ça c'est moi qui faisais, j'étais le sous-marin du bon fin et je les aidais. » C'était absolument faux, le bon fin m'avait dit « Ça ne vous regarde pas. » Mieux que ça, ils étaient venus me trouver en me disant « C'est son karma, laissez-la souffrir et vivre ce qu'elle a à vivre. » La fille, elle était squelettique, elle avait les mains brûlées parce que la seule chose auquel elle avait droit, c'était un bol d'eau bouillante le matin. Plus c'était chaud, plus ça lui donnait l'énergie pour son prana, disait le gentil papa. Et plus tard, quand j'étais au bon fin et qu'il ne voulait plus que je rentre au bon fin, parce que je ne sais pas pourquoi, au bout d'un moment, il ne m'aimait pas, moi, j'ai été les voir et j'aurais dit « Vous voulez que je rappelle le juge ? Vous voulez que je leur rappelle comment vous comportez avec un enfant qui crève de faim dans votre association ?» Et ils m'ont dit « Bon, allez, c'est bon, rentrez, rentrez, rentrez. » Et pendant très longtemps, je suis rentré au bon fin parce qu'il ne voulait absolument pas que je parle. Voilà la tête du bonfin. Alors maintenant, d'après moi, l'enseignement du maître Peter Nonov est un enseignement juste. Et quand je lis des choses comme la source de bonté, le maître parle, je suis désolé de dire que je suis totalement dilaté. Je peux pleurer de bonheur, de joie et d'enthousiasme. Mais quand je vois ce que j'ai vu au bonfin, j'ai honte pour les bonfinois et pour ceux qui se veulent être la continuité du bonfin. Quelle honte! Quelle honte, franchement! D'autres choses à dire par rapport à la Bulgarie? Oui, ben oui, pour continuer avec l'histoire du lever de soleil, autre chose qui les a vraiment choqués. Alors, déjà, en France, ils ne pratiquent donc que la première partie. Alors qu'en Bulgarie, ils pratiquent à chaque fois les trois parties. Donc la première partie, je précise, c'est uniquement le lever de soleil. C'est même pas la première partie. Hein. Ils pratiquent que le lever de soleil. Parce que la deuxième partie, après, c'est la panorythmie. La panorythmie, ils font que le dimanche. Ah oui, donc moi, je parlais de la panorythmie. Non, qui la est donc... panorythmie, oui. Ils le font que le dimanche. Ok, donc ça a choqué les Bulgares, puisque eux-mêmes pratiquent la panurythmie. Donc il y a le rituel du lever de soleil, mais ça j'en parlerai aussi. Mais la panurythmie en elle-même, par exemple, ils ne pratiquent en France que la première partie. Alors qu'en Bulgarie, chaque matin, ils pratiquent les trois parties. Donc en tout, ça leur prend 1h30. Voilà, donc je précise. Techniquement, parce que les gens ne sont pas au courant, ah oui. Premièrement, il y a le lever de soleil avec les pranayama, respiration et ainsi de suite. Puis ensuite, il y a la panorythmie qui dure environ une demi-heure, si je me souviens bien. Je pense que si tu fais la première partie, c'est bien 45-50 minutes. 45-50 minutes. Les trois parties ensemble, c'est 1h30. Puis ensuite, il y a les rayons du soleil, deuxième exercice. Puis ensuite, il y a le pentagramme. Le tout ensemble, 1h30. Les bons finnois, qui sont des gens très intelligents, très libres et qui font comme ils veulent, un petit peu de pédophilie quand ils ont envie, un petit peu de ceci, un petit peu de cela, et je prends ce que je veux et je mange du poisson, eh bien, après s'être fait une fortune sur l'enseignement du maître Peter Nonov, d'avoir développé la FBI la plus puissante qui puisse exister, eh bien, en même temps, ils n'ont pris que ce qui les arrangeait, c'est-à-dire le lever de soleil du lundi au samedi, et le dimanche, en extra, la panorythmie. Là, seulement la première partie, et une fois par semaine. Et au lever de soleil, les Bulgares, donc, j'ai pas vu trop de gens pratiquer le pranayama, certains oui, certains non. Oui, c'est très peu, ouais, c'est optionnel, oui. Mais systématiquement, au moment du lever de soleil, les gens se lèvent, saluent, et ensuite, il y a toujours des chants et des prières. Et rien que cette partie-là, parfois il y a aussi une lecture. Ah oui. Et donc, ils lisent un texte. Donc, ça peut être, une demi-heure, parfois c'est une heure. Donc, c'est assez long aussi, honnêtement. Ils consacrent vraiment beaucoup de temps. Après, bon, le rituel, l'eau chaude. Et puis ici, comme c'était au camp, l'endroit où ils pratiquent la panurythmie était quand même à une demi-heure ou une heure de marche du lieu du lever de soleil. Donc, ils avaient un petit-déj avant d'aller à la panurythmie. Et ils ont été choqués aussi de voir qu'en France, il n'y a jamais au lever de soleil, il n'y a pas de chant, il n'y a pas de prière. Les gens vont juste au lever de soleil. Et c'est vrai aussi ce que tu dis, les gens, quand ils sont au bonfin, ils n'ont qu'à monter quelques petites marches et ils sont au rocher, en fait. Avec chaise longue. Oui. Et ce que je peux dire personnellement, c'est que les gens, vu qu'il y a cette histoire de quart de membre, d'ailleurs, les gens, bon, parce que moi, je n'ai jamais fait partie du bonfin, mais j'ai eu l'occasion d'aller au rocher. Malheureusement, je n'ai jamais pu, à l'époque, j'aurais aimé visiter l'intérieur, rencontrer les gens au bonfin. Ben, ça m'a été refusé aussi. Et heureusement, finalement, c'est une bénédiction que ce rocher soit à l'extérieur du territoire du bonfin. Oui, je précise pour bien comprendre que le bonfin est une propriété privée, tandis que le rocher, c'est un loi de location avec usufruit pour 100 ans qui appartient au bonfin. Donc, ils peuvent l'utiliser, personne ne peut les empêcher, mais ils ne peuvent pas empêcher qui que ce soit d'aller sur le bonfin. Donc, c'est le seul terrain qui soit un terrain neutre, on va dire, où n'importe qui peut aller avec ou sans carte. Le seul endroit. Ouais. Et effectivement, en Bulgarie, il y a le lever de soleil, Puis ensuite, il y a une distribution d'eau chaude que personne ne paye. Ce sont des tisanes, c'est payé par la fraternité, c'est offert par tous, que vous fassiez partie de la carte ou pas. Puis ensuite, il y a une lecture qui souvent est traduite, quand c'est possible, de bulgare dans d'autres langues. Et enfin, vous vous levez et vous avez la panorhythmie. Donc pour les Bulgares, ils ont grosso modo 3-4 heures de bon fin par jour. Enfin, 3-4 heures de lumière par jour. Évidemment, 3-4 heures de pratique par jour comme ça, c'est sûr que ça les inspire. C'est sûr que ça les transporte dans toute la journée. Quand on fait un lever de soleil sur une chaise longue, qu'après on se met même devant les gens qui sont déjà installés en seiza ou en tailleur pour regarder le lever de soleil d'une façon samouraï et propre et claire, et qu'ensuite on fait un scandale parce que le maître Omram n'a pas donné un bonbon à ce gamin-là ou à ce gamin-là, parce que j'ai vu ça perpétuellement, puis qu'ensuite on va au bon fin et que chacun déjeune de son côté en racontant des conneries, et que la seule pratique après ce sera la conférence à midi, et avant ça la gymnastique, qui est une gymnastique de chakra qui dure environ un quart d'heure, et puis ensuite on s'assied et c'est le repas. Et c'est tout ce qu'il y aura. Le reste du temps, c'est bénévolat. Vous payez, mais vous travaillez au bon fin. Vous travaillez, vous aimez, vous apportez de l'agriculture, vous retournez des trucs, vous travaillez, vous transpirez. Et moi, personnellement, je me suis vu désherber au bon fin, au mois d'août, désherber une serre. Dans cette serre, je rentrais dans la serre au bout de 10 minutes, j'étais sur les points de tomber dans les pommes. Et j'ai fait ça pendant environ 3 semaines, histoire de m'initier. Et au bout de 3 semaines d'initiation, le mec a dit « Non mais attends, on va débrancher le truc, ça se met sur le côté, on va couper à la tondeuse. » Voilà la grande initiation du bon fin. Voilà comment on juge les gens. Je voudrais aussi préciser quelque chose du bon fin, que les gens puissent savoir un petit peu, que vous puissiez avoir des rapports. Ma copine, elle travaillait au bon fin. Puis sa mère est décédée. C'est une chose qui arrive, elle était assez vieille, et elle avait un cancer, elle est décédée. Et sa sœur, la sœur de ma copine, travaillait au PTT. C'est pas spécialement spirituel, les PTT, vous voyez. Et lorsque la sœur est rentrée des PTT, eh bien, il y avait une couronne mortuaire pour honorer le décès de sa mère. Quand ma copine est rentrée du bon fin après le décès de sa mère, sa paye était bloquée, histoire de la punir parce qu'elle dérangeait. Oh là là. Et ils avaient bloqué sa paye. Et donc, elle se retrouvait dans le rouge parce que forcément, elle avait fait des frais, surtout pour l'enterrement, et elle n'avait pas eu d'argent rentré. Donc moi, j'étais à la banque du bon fin. Je me suis fâché. Et quand j'ai parlé au directeur du bon fin, il m'a dit « Monsieur, vous n'êtes pas client. Monsieur, vous n'êtes pas client, je ne vous adresse pas la parole. » Il ne parlait qu'à ma copine. Donc, j'ai joué le jeu, je me suis tourné vers ma copine et j'ai dit « Écoute-moi, Fabienne, tu vas expliquer à ton banquier, à qui je ne parle pas directement, que je suis un videur, je suis un bouncer. » Ma spécialité, c'est de trouver des gens, c'est de les casser, c'est de les détruire, c'est de les massacrer, eux et leur entourage. Alors tu vas bien expliquer à ton directeur de banque que si monsieur veut jouer la mafiosi comme ça, moi aussi je peux jouer les mafiosi. Et dans ce cas-là, ce soir, il risque de trouver une famille et un état physique de lui-même qui va être plus que lamentable, sans parler de sa voiture et de sa maison. Alors tu vas dire à ton directeur de banque de regarder très sérieusement ses dossiers, parce que sinon, moi, je vais m'occuper de lui très sérieusement. Et on est rentré chez nous. Et figurez-vous, le temps qu'on rentre au Capitou, c'était juste à côté, on avait déjà reçu 3 coups de fil, comme quoi finalement, c'était une erreur et qu'il reversait tout l'argent. Voilà la différence entre le bon fin, Prosveta, et les PTT. Voilà où on en est quand on parle de spiritualité. Il faut parler des choses un petit peu franchement quand même. Hein, une fois de temps en temps, crevez l'abcès. C'est triste. Alors, pour continuer au niveau des différences, ça c'est quelque chose au niveau de la pratique de la panurhythmie elle-même, dans le respect de l'enseignement tel qu'il a été donné. À un moment dans la panurhythmie, au Bonfin, après le carré, je pense. Ils changent, tu sais, ils inversent les partenaires. Et là, j'ai bien fait attention. En Bulgarie, ils ne le font pas. Ils restent... Alors ça, c'est un détail technique, hein, qui est tout à fait macho, tout à fait français. C'est-à-dire que le maître Peter Denov a fait quelque chose en sachant parfaitement ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'au milieu de la 13e musique, sur 26, sur la panorythmie, effectivement, l'homme se trouve à l'intérieur et la femme à l'extérieur. Et les chers bons finnois, arrogants français et Omram, qui a décidé par-dessus tout qu'il savait mieux que son propre maître, eh bien, il a dit « Non, non, c'est une erreur, il faut changer de position et l'homme repasse à l'extérieur ». En Bulgarie, c'est absolument faux. On respecte profondément l'enseignement du maître Peter Denov. Et après 13 mouvements où la femme est à l'intérieur et l'homme à l'extérieur, eh bien, à partir du 13e mouvement, les 13 derniers mouvements se font inversement, de façon à travailler la polarité. Ça s'appelle yin-yang, ça s'appelle l'équilibre, la démocratie, le respect et le respect d'une initiation. Et ça aussi, c'est une honte, surtout quand après on se pèse le FBUI avec un maximum de fric pour avoir un maximum de terrain. Quand on veut se faire un maximum de terrain, au moins on respecte son maître. Par contre, ce que j'ai remarqué, c'est que donc ça c'est après la première partie, avant de commencer la deuxième partie, les rayons du soleil, là au en Bulgarie, ils se remettent de nouveau en position comme au départ. Il y a cette petite inversion, mais oui, ça c'est normal puisqu'ils ont fait 13-13, ils ont fait 26-26. Ah voilà, ils donc après équilibré. Ils reprennent la position. Et après ils reprennent la position. Ah, okay. Oui. Nous aussi, je me suis posé la question. Nous aussi on faisait la même chose. Ah oui, d'accord. Ah, bon. Okay. Et, oui, et là c'est la deuxième fois où j'ai entendu quelqu'un qui a essayé de prendre la protection, qui m'a dit « Ah mais c'est peut-être parce que… » Et là je te donne l'explication qu'ils m'ont donnée, enfin une personne hein, qui a voulu défendre les bons finnois avec leur changement. C'est que le maître Peter Denov a développé la panurythmie évidemment progressivement. Il est d'abord, ça a été fait en étapes, quoi. Il n'a pas donné tous les trois mouvements, les trois parties en même temps. Oui, c'est venu au fur et à mesure. Il y en a un qui a essayé de me dire, donc je ne sais pas si c'est vrai ou pas, c'est que ça a été le développement a été continué après le départ du maître Omram et que c'est peut-être pour ça qu'ils n'ont pas. Les trois parties, et c'est peut-être pour ça qu'il y a aussi ce... Bien sûr, parce que le maître Omram, il ne pouvait absolument pas contacter. Il avait des lettres, lui-même se flattait d'avoir perpétuellement des lettres avec le maître Peter Denov. Ils étaient dans les meilleures relations d'après lui, et le maître Peter Denov n'arrêtait pas d'envoyer des lettres au maître Omram. Mais il n'a pas pu le prévenir de ça. C'est pas de chance quand même. Omram n'a pas pu retourner peut-être faire un petit séjour en Bulgarie pour peut-être, apprendre. Ouais. Il n'a jamais pu rencontrer quelqu'un qui pouvait lui montrer. Il n'a jamais pu comprendre quoi que ce soit. Oui. C'est vraiment pas de chance quand même. Hein. Parce que c'est quand même très rapide. Hein, parce que moi, je n'avais jamais pratiqué avant. Et j'ai appris cette partie-là sur le terrain. Et vraiment très facilement et très rapidement. Donc, il n'y a pas de... Je veux dire, quand tu es dans la masse... Tu suis les autres. Si personne ne le danse autour de toi, c'est difficile à apprendre. Mais si tu es là et tu suis le mouvement, bah les autres, tu fais la même chose que celui qui est devant, derrière, tu as des références, quoi. Donc il aurait pu l'apprendre facilement. Et alors une autre chose qui est très importante pour moi dans cette histoire-là, c'est puisque toi tu étais là en Bulgarie, c'était mm-hmm. donc en 2018, combien de Français as-tu vu ? Je ne sais pas si j'ai entendu peut-être 3-4 fois parler français. Il y avait un petit groupe de peut-être 3-4 personnes. Et après, une dame isolée qui était donc dans le camp, dans la montagne. Et je l'ai rencontrée personnellement quand je suis allée à Sofia, après le camp. Je suis restée deux jours. Et cette dame était là et elle m'a dit « Oh là là, j'étais là-haut, qu'est-ce que j'étais isolée, qu'est-ce que je me sentais mal ?» Ma tante était, j'ai planté ma tente là où je pouvais, comme tout le monde, hein, on se trouve à un endroit. Et elle m'a dit, il n'y avait que des tentes de Bulgares autour, il n'y en a pas un qui m'adressait la parole. J'étais toute seule, je n'ai pas trouvé de français. Donc là, il y avait d'un côté la plainte des, hein, les Bulgares, pas toujours très ouverts quand même. Il y a la barrière de langue, mais en même temps, bon, on pourra en parler plus tard, ils ne sont pas toujours très ouverts aux étrangers. Mais non, il y avait pas de. Pas très ouverts aux étrangers. Oui, mais il n'y avait pas d'étrangers. Il n'y a pas très, très, très peu. Mais alors, ce que je ne comprends pas, c'est que moi, quand j'ai entendu parler des dernières relations avec les Bonfins, la guerre entre le Bonfin et la Bulgarie était terminée, que maintenant c'était devenu une seule fraternité, qu'ils reconnaissaient la valeur divine des deux maîtres en même temps. Alors où sont les Français en Bulgarie ? Ben, je ne les ai pas rencontrés. C'est tout simplement parce que les hommes ramiens, c'est-à-dire ceux qui sont avec Omram, ils ont décrété que leur maître était 1000 fois au-dessus du maître Peter de Dov. Donc ils sont venus en Bulgarie pour enseigner aux Bulgares que le maître Peter de Dov, c'était une merde. Et que le Bonfin, le Omram, c'était le vrai maître, et que c'était lui qui venait apporter la lumière. Et malheureusement pour eux, ils se sont fait foutre à la porte. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas un Français au Bonfin. Donc même quand les Bonfins disent « Oh, nous sommes amis avec les Bonfinois, avec les gens de Bulgarie, nous sommes une unité, nous sommes une seule fraternité », rien du tout. Je vais même plus loin. Quand j'étais en Bulgarie, les Bulgares ont fait des concerts. Et à ce moment-là, les Français commençaient à venir. Et en Bulgarie, la fraternité est très respectée. Très, très respectée. Ils touchent même de l'argent du gouvernement. Peut-être pas une fortune, mais enfin, ils touchent un peu d'argent, ils sont aidés. Et la Bulgarie n'est pas très riche. Et donc, il y a des concerts du Bonfin qui sont apparus, enfin du Bonfin de Prosveta, qui sont apparus à la télévision. Et les Français ont vite contacté les Bulgares en disant « Supprimez immédiatement nos visages, nous avons trop peur. Il faut absolument cacher nos visages. Si on nous voit en France, nous sommes perdus. » Ah ben voilà encore un grand courage de fierté et d'honneur que d'être un membre de la Fraternité Blanche universelle qui n'a pas de frontières. C'est une Fraternité Blanche universelle. Universelle, ça ne veut pas dire juste Bulgarie quand même. Hein. Je pense qu'à ce niveau-là, honnêtement, il y a un malaise en Bulgarie aussi. Donc il y a tout cet aspect où on sent très fort qu'ils rejettent le maître Omram. Ça, c'est certain. Mais en même temps, je ne sais pas si ça vient de là, mais ils ont quand même c'est un peu comme si les Bulgares en Bulgarie, les Français en France, mais aussi les Italiens en Italie, c'est un peu ça m'a un peu déçu, je dois dire. Mais c'est normal parce que les Italiens ne sont pas avec les Bulgares, hein, ils sont avec Maître Omram. Mm. Il faut bien savoir une chose, Maître Omram, il a aussi une FBU en Italie. Hein. Ah, d'accord. Il a un grand centre en Italie. Donc, il faut bien comprendre une chose. Le maître Peter de Nov, il était bloqué. Hein, il était même dans un pays qui était interdit. Donc les Slaves ont été complètement bloqués. Pendant ce temps-là, Omram a utilisé l'enseignement de maître Omram pour se faire des couilles en or, pour jouer avec les petites filles. Mais en plus, il a développé le Bonfin en Espagne, un groupe au Bonfin dans les Pyrénées, en Suisse, au Québec, en France, à Paris. Et le pire que ça, c'est que moi j'ai été visiter plusieurs trucs en Bulgarie. Quelle honte, il a même pris les mêmes noms. Isgrève et ainsi de suite. Il a pris les mêmes noms. Il n'a même pas eu la délicatesse de se dire je vais au moins créer quelque chose de nouveau. Il a changé, il a manipulé, mais il a utilisé les mêmes noms. Quelle honte. C'est parce qu'il utilise ce que portent les noms. Bah bien sûr, c'est juste pour la magie. Oui, alors ça explique. En tous les cas, au niveau du maître Omram, je sais qu'il y a un grand malaise dès que je prononçais je parlais de lui. Je voyais qu'il y avait un grand malaise, donc comme moi je connais certaines choses, mais bon, je leur ai demandé pourquoi, quel est le problème, qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous savez ou qu'est-ce que. Alors déjà, beaucoup de gens disaient oh, on ne veut pas en parler. Ça, c'est l'enseignement du maître Peternov dit on doit parler seulement de ce qu'on a vu, etc. Donc, ils utilisaient ça pour ne pas en parler. Et finalement, ce malaise restait toujours quelque chose de nébuleux. Et grâce à cette Française qui a finalement pu parler, la Française que j'ai rencontrée après le camp, ouais, qui a pu parler avec des Bulgares qui sont quand même allés plus loin. Il y a eu quand même là un très bon contact et certains ont révélé. Et là, ils ont parlé de pédophilie. Donc ils ont dit, ah ben voilà. Eh ben oui, parce que Maître Mram, il transporte ça. On peut le tourner comme on veut. Le Bonfin peut me poursuivre en justice en disant que je suis un diable. Ils peuvent toujours me poursuivre en justice comme quoi je suis un diable. Mais ils vont avoir des centaines de personnes qui vont témoigner. Des centaines de personnes qui vont témoigner. Soit qui ont été directement eu affaire à ces histoires-là, soit qui ont connu plein de gens qui ont eu affaire à ces histoires-là. Eh oui! Il n'y a pas de feu sans, pas de fumée sans feu, comme on dit, hein. Donc c'est trop facile de jouer ce jeu-là et de jouer le jeu de la perfection, de la fraternité. C'est quand on va chercher un petit peu plus loin, ça commence à sentir un petit peu pourri. Et quand on va au Bonfin, bon, soyons clairs, par exemple, on va essayer de voir clair un petit peu, hein. En Bulgarie, combien t'as payé? Parlons concret. C'était libre, hein, donation, donc tu donnes donation. Ce que tu veux. Il y avait pas de, je pouvais aller ne rien payer si je voulais, mais leur principe c'est que si tu peux payer, tu payes, si tu ne peux pas, hein, voilà. Alors moi je précise qu'à un moment j'ai travaillé au Bonfin, j'étais volontaire, et j'ai travaillé très très très très très dur. J'étais avec Alain Bourgeois, qui était un responsable de l'agriculture, qui travaillait 15 heures par jour. Et moi, à la fin de mes 8 heures, je disais, mais moi, je suis fraternel, je ne peux pas partir après 8 heures, alors que lui, il a encore une double journée à faire. Donc, je restais avec lui, et on travaillait tous les deux 15 heures par jour. Et puis, à un moment, totalement épuisé, je suis tombé dans les pommes. Je suis vraiment tombé dans les pommes. Je suis resté une semaine couché dans mon bungalow, offert par le Bonfin, puisque je travaillais, c'était normal. J'étais nourri, logé. Et je suis resté à peu près une semaine, 10 jours. Et quand je suis parti, j'ai dit, bon, eh bien, voilà, maintenant, ciao, au revoir. Et ils m'ont dit, ben non, parce que vous nous devez, j'ai oublié maintenant, 1000 euros. Alors, j'ai dit, quoi? De quoi vous parlez? Ils disent, ben oui, vous avez eu 10 jours de congressiste. Congressiste, c'est quand vous ne travaillez pas. Permanent, c'est quand vous travaillez. Je dis, vous rigolez, j'étais épuisé, j'étais malade. Ah oui, mais vous n'avez pas travaillé. Donc, vous nous devez 10 jours pour vous et pour votre femme qui était avec vous. Ça fait 1000 euros. Oh là là. Alors, j'ai dit, je ne paierai pas. Alors, ils m'ont dit, ah oui, nous comprenons que vous aviez des difficultés pour le paiement. Je ne paierai pas. Vous ne verrez pas un centime de mon fric. Parce que vous êtes des enfoirés. Et quand on compare ce qui se passe au Bonfin et ce qui se passe en Bulgarie, hein, si vous voulez un procès, les Bonfinois, si vous voulez un procès, on va faire un procès avec les Bonfinois, puis avec les gens de Prosveta, et vous allez voir comment vous allez ramasser vos dents, et vous allez voir aussi le nombre de personnes que je peux ramasser qui peuvent raconter ce qui s'est vraiment passé. Alors, pour être juste, étrangement parlant, moi, j'ai connu des gens merveilleux au Bonfin. Je peux parler de Bernard Champagneur, peut-être que ça ne lui fera pas de la pub après tout ce que je dis. Je peux parler de Frédéric et Pierre-Jean Canquette, qui se fait appeler Sarah maintenant, et Pierre-Jean Canquette. Je peux parler de Augusta, qui était sa maman, qui est décédée. Je peux parler de Blagoste, je peux parler de la merveilleuse Madeleine Chavanon. Je peux parler de Yannick, le garagiste qui a fini par se tirer une balle dans la poitrine de désespoir. Je peux parler de Patrick Camus, qui était un être merveilleux et fantastique. Je peux parler de Yannick Percherancier, qui était un être fantastique, merveilleux. Et je suis sûr que j'en oublie quelques-uns, des gens qui étaient au-dessus du lot et qui étaient des gens vraiment angéliques, merveilleux. Je pense qu'ils avaient une politique où ils ne voulaient pas trop voir toute la merde qu'il y avait. Il y avait même une femme qui avait une école de yoga qui s'appelait Aruna. Elle s'appelait Aruna. Elle est arrivée avec son école de yoga. Et elle a donné toute son école de yoga au Bonfin. Tous les locaux qu'elle avait, tout ce qu'elle a donné, elle l'a donné au Bonfin. Après, elle a été traitée comme rien. Absolument comme rien. Et puis, vous aviez aussi cette étrange pathologie de... Il faut que tout le monde soit humble. Par exemple, moi, j'arrive, je suis un expert d'arts martiaux, expert Shaolin, expert de yoga, expert. J'ai travaillé toute ma vie sur mon corps pour faire de mon corps la perfection qu'elle puisse être, autant que cela puisse être parfait. Mais moi, je suis rien. C'est un art inférieur, c'est rien du tout. Par contre, alors qu'il faut travailler l'humilité, les musiciens sont des dieux. Quand quelqu'un chante, c'est un dieu. C'est un dieu total. Mais les gens qui ont travaillé physiquement, non, c'est rien du tout. Absolument rien. Je me souviens de Madeleine, Natacha Coleza, qui était une femme magnifique, que j'aimais beaucoup. En attendant, Natacha Coleza, quand elle arrivait dans sa chambre, je sais, je m'occupais de sa chambre quand elle arrivait. C'était rempli de fleurs. Elle ne pouvait pas poser un endroit. Elle avait des fleurs de partout. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire d'humilité avec des stars de partout? Je n'arrive pas à bien comprendre. C'est un manque de cohérence, là. C'est un petit manque de cohérence. Donc, en fait, c'est une micro-société avec toute la pourriture. Vous avez quelques endroits dedans qui sont super. Vous avez des gens magnifiques, comme les quelques personnes que j'ai notées et d'autres que j'ai notées. Il y avait aussi quelqu'un qui n'était pas directement lié et qui s'appelait Annie Mouret, qui était une femme merveilleuse, fantastique, même si elle ne faisait pas directement partie du Bonfin et qui a fait des choses fantastiques. J'ai eu des amis comme Maggie Lebrun, qui était une femme fantastique. J'ai eu aussi Gita Malache. Gita Malache, qui était une femme merveilleuse, fantastique. Il y a des gens qui existent dans le Bonfin et hors du Bonfin. Mais le Bonfin en tant qu'institution, mais laissez-moi rire. Laissez-moi rire. Je pense qu'une des choses que j'ai vues, c'est les gens ont tendance à rejeter tout. Par exemple, en Bulgarie, quand tu parles du Bonfin ou du maître Omram, ils vont se fermer totalement. Et moi, je leur ai dit, bon, je pense quand même que tout n'est pas à mettre à la poubelle. Dans les livres qui ont été écrits, il y a quand même de très bonnes choses. Dans l'enseignement, il y a quand même des choses très bonnes, très concrètes. Et en gros, je leur ai dit, si vous retirez tout ce qui concerne le sexe, tout le reste, vous pouvez garder. C'est un peu comme je l'ai reçu et perçu. Et il y a eu une gêne générale. C'était... Même ça, ils refusent. Oui. Oui, ils refusent, ils jettent l'eau du bain avec le bébé. Je pense que ça a été comme si tout est trop pollué et ça n'est pas passé. Bon, en tout cas, il y a une grosse gêne quand j'ai parlé. Et pour vous qui êtes des fanatiques, pour vous qui êtes tous des fanatiques, d'un côté comme de l'autre, quand moi j'ai parlé sur les rayons du soleil, les rayons du diamant, et qu'ils m'ont demandé pourquoi est-ce que tout le monde est venu me trouver en me disant « c'était merveilleux ». On avait l'impression d'entendre le maître Peter Donoff parler. C'était merveilleux. Bien sûr, vous allez nier ça aussi. Bah, sachez une chose. Vous, de toutes vos jalousies, de toutes vos médiocrités, de toutes vos manipulations financières, de sexe et de pouvoir et absolu, sachez une chose. C'est que le maître Omram et le maître Peter Donoff, ce sont deux potes. J'ai aidé le maître Omram, il y a très longtemps, à apprendre ce qu'il devait apprendre. Et le maître Omram m'a aidé à apprendre ce que je devais apprendre. Et ça n'empêche pas les erreurs du maître Peter Donoff. Ça n'empêche pas les erreurs du maître Omram. Mais en attendant, ils sont très, très au-dessus de vous. Et vos petites guerres de sectes, vos petites guerres de groupes fanatiques, eh bien, vous êtes très, très, très loin des augustes frères célestes et de la source de bonté. Si vous étiez dans cette source de bonté, vous comprendriez que chacun, on devrait s'entraider, que nous tous, nous sommes une force immense pour aider le monde, pour changer le monde, pour changer la face du monde, pour donner à manger, à boire, des sourires, des espoirs, de l'amour, de l'honneur, de la dignité. Mais rien ne compte de tout cela. La seule chose qui puisse compter pour vous, c'est le pouvoir. Et tant que vous êtes dans le pouvoir, vous n'avez rien compris. Honneur et gloire à ceux que j'ai aimés et qui méritent cet amour. Je pense qu'à ce niveau-là, parce que t'as mis, je vais t'interrompre. Oui. Je pense qu'à ce niveau-là, il y a un malaise, et ça c'est international, parce que j'ai remarqué, donc, comme je l'ai dit, les Bulgares, les Bulgares restent en Bulgarie, les Français en France. Maintenant, j'ai mieux compris pourquoi des autres pays, évidemment, sont rejetés aussi, parce qu'ils sont automatiquement assimilés à la France et à Omram. Mais il y a ce manque de contact. Mais même en Bulgarie, quand, par exemple, quand j'étais là, après le séjour à la montagne, le camp à la montagne, je suis allée à Sofia, dans leur centre, et là, ils ont deux maisons. Et en fait, il y a une maison où ils hébergent les Bulgares et la maison où ils hébergent les autres. Bon, c'est vrai qu'il y avait peut-être beaucoup de monde à ce moment-là, pas trop de place. Mais j'ai vu aussi que même là, il n'y avait pas trop d'ouverture. Donc, j'ai du mal à savoir si c'est avec tout le monde comme ça ou si c'est parce que peut-être ils m'ont associée, alors que je ne suis même pas française, qu'ils m'ont associée à la France. C'était un peu... Ils continuent à avoir cette séparation. Et là, juste, je veux le mentionner, quand tu m'as demandé ce que j'ai payé, là c'est le seul endroit j'ai payé, je crois que c'était 10 euros par journée, ce que je trouve logique. Ouais. C'est normal, quoi. Mais voilà. Et sinon, en théorie, ils sont tous à dire, mais oui, il faut développer les fraternités, il faut développer les groupes, il faut avoir le plus possible de groupes dans tous les endroits du monde, et comme ça, ça ne fera qu'un seul réseau, et je pense que c'est très difficile à atteindre. Et voilà. J'ai vu une chose qu'ils font aussi en Bulgarie. Après, donc, quand j'ai vu qu'à Sofia, c'était pas facile d'avoir des contacts, vu cette séparation qu'ils font, je me suis dit, bon, je ne m'éternise pas dans leur centre. Je suis allée à Varna. Là, ils ont un centre également. Et j'ai pas trouvé plus d'ouverture aux étrangers. Bon, c'est vrai qu'il y a la barrière de langue aussi. J'ai vu aussi des gens qui étaient ouverts. Hein. J'ai fait des connaissances. Et là... c'était justement le festival de la Fraternité Blanche à Varna. Et ça, c'est aussi quelque chose que le maître Peter Donov avait organisé et qu'il continue toujours. Donc vraiment, chaque chose est perpétuellement maintenue et répétée. Ça, j'ai vraiment trouvé très chouette. Et donc, comme il y a des centres, je pense qu'il y en a au moins 5 en Bulgarie, dans différentes villes, chaque ville est... une fois par an, organise un festival et tout le monde qui veut, des autres villes, est invité à venir se joindre. Donc, justement, pour réunir les différents groupes de Bulgarie. Ça, j'ai trouvé chouette aussi. Et j'y arrivais justement, comme par hasard, au moment du festival de Varna. Et ceci pourrait se passer en Suisse, à Svidelenata. Ceci pourrait se passer au Bonfin. Ceci pourrait se passer partout si les gens arrêtaient d'avoir le pouvoir. Et en plus de votre putain de français, permettez-moi mon my French, comme on dit, ou votre putain de bulgare qui est indigeste, il y a un homme hautement inspiré qui s'appelle le docteur Zamenhof, qui a créé une langue internationale qui s'appelle l'espéranto, qui veut dire celui qui espère. Celui qui espère. Ça vous est si difficile, à vous tous, au lieu d'apprendre vos chants, d'apprendre un petit peu d'espéranto pour que tout le monde puisse participer, que tout soit traduit en une seule langue en espéranto, que tous les espérantistes aient toute la connaissance de l'enseignement du maître Peter Donov et du maître Omram et des maîtres de lumière et des maîtres de Jésus. Tout ça en espéranto, ça n'appartient à aucun pays. Chacun y a accès, chacun est en paix, chacun est un frère. Et partout où vous voulez voyager dans le monde, partout où vous voulez voyager dans le monde, vous allez n'importe où à une porte espérantiste et on vous ouvre la porte parce que c'est chez vous. C'est cela la fraternité, c'est cela l'enseignement du maître Peter Donov et c'est cela que vous n'avez absolument pas compris jusqu'à présent. Et c'est le maître Ben Sardino qui vous a parlé. Autre chose à rajouter ? Je ne pense pas. Je peux en parler pendant des heures, mais disons quelque chose d'utile maintenant. Non, je ne vois rien là. Non, on fera un épisode numéro 2 si jamais. Elena a envie de parler davantage. On reviendra. Je précise aussi que j'ai invité des anciens frères et sœurs à parler et qu'ils sont tous terrorisés. Ils sont tous terrorisés. Ah, mais je vais vous apprendre une dernière histoire. Une dernière histoire que j'ai trouvé ça très allez, belle alors. Aussi. Ah oui. Lâche-toi. Encore une belle histoire pour vous montrer la gloire de la fraternité. Voyez-vous, il y a quelqu'un, et je ne sais pas qui et ça ne me concerne pas, qui a enregistré des conférences de Maître Omram. Il s'est trouvé avec plus de 3000 conférences du Maître Omram. Wow. 3000 conférences. Ça en fait des heures. Hein. Mm-hmm. Et le Maître Omram, il a toujours demandé à ce que ses enseignements soient connus, que cela puisse circuler, que cela puisse envahir le monde. Mm-hmm. Et il y a des gens que je ne connais pas, donc je ne peux pas vous donner ni les noms, ni les adresses, ni rien, qui ont reçu ces disques, quel que soit le chemin où ils les ont reçus. Et ils ont donc décidé d'ouvrir un site web et d'ouvrir au monde entier, pour gratuit, ces 3000 conférences. C'est super. C'est super, hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Prosveta est immédiatement intervenu, a fait fermer les trucs et a convoqué les gens qui avaient tourné autour de ça chez les flics pour les envoyer en tôle. Oh, c'est crapuleux. C'est crapuleux, vous êtes des pourritures de pourritures. Vous êtes une honte devant le maître Bensadouno. Vous êtes une honte. Et honte à vous. Mais sachez-le bien, le maître Bensadouno n'est pas encore mort. Et croyez-le bien, il va vous apprendre l'humilité. Que cela vous plaise ou pas, vous apprendrez à être unis une fois pour toutes, tous ensemble, devant la vérité, l'amour, l'unité. Que la source de bonté rayonne dans votre sein.